Si vous êtes déjà allé en Allemagne, vous avez sans doute vu des panneaux où il est écrit « Rauchen verboten ». « Rauchen », ça veut dire « fumer » et « verboten », interdit. « Rauchen » s'écrit « R-A-U-C-H-E-N » en allemand. Toutes les voyelles se prononcent, donc « A-U » se prononce « Au ».« Rauchen ». Mais parlons du « CH » en allemand. Comme vous pouvez le remarquer, il y a deux manières de prononcer le « CH ». Il y a d'une part le ch de ich, ich pour je, mich pour me, moi, si ce me, moi ne signifie pas à moi, mich, et aussi nicht, nicht pour ne pas. Donc là, c'est le son ch. Mais il y a une autre manière de prononcer le ch, comme dans Bach, B-A-C-H, Bach, vous savez, le grand compositeur allemand, Bach. Ici, le ch est comme un raclement au fond de la gorge. Rr, rr, Bach. C'est un son que les francophones prononcent souvent plus facilement que le ch de i. Donc, rr, comme dans Bach. Dans Rauchen, R-A-U-C-H-E-N, on retrouve ce raclement au fond de la gorge. Rauchen, c'est fumer. À vous d'essayer. Comment dit-on fumer? Rauchen. Rauchen, bien. Auch, avec seulement A-U-C-H, signifie aussi. Ich auch, ça veut dire moi aussi. Ich auch. Remarquez qu'en allemand on dit je aussi. Ich auch, pour moi aussi. À vous. Comment dit-on moi aussi? Ich auch. Ich auch. Et à partir de rauchen, fumer, comment diriez-vous je fume? Ich rauche. Ich rauche. Il suffit d'enlever le N final du verbe. Je ne fume pas se dit? Ich rauche nicht. Ich rauche nicht. Et si vous ajoutez un B devant ce verbe fumer, devant rauchen, vous obtenez brauchen. Brauchen. Brauchen qui signifie en allemand avoir besoin de. Et comment diriez-vous au sujet de quelque chose j'en ai besoin, c'est-à-dire j'ai besoin de cela? Ich brauche es. Ich brauche es. Oui. Encore une fois. Ich brauche es. Bien, ich brauche es. Et donc, je n'en ai pas besoin, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de cela, ce sera ich brauche es nicht. Bien, ich brauche es nicht. Et je n'en ai pas besoin maintenant. Je n'ai pas besoin de cela maintenant. Ich brauche es nicht jetzt. Ou plutôt, ich brauche es jetzt nicht. Encore une fois, avoir besoin de, c'est brauchen. Brauchen, oui. Et donc, en avez-vous besoin? Avez-vous besoin de cela? Brauchen Sie? Avez-vous besoin de cela? Brauchen Sie es? Bien. Brauchen Sie es? Comment diriez-vous « quand en avez-vous besoin » C'est-à-dire « quand avez-vous besoin de cela ?» Quand se dit « Wann ?» Wann. Bien, alors « quand en avez-vous besoin ?» Quand avez-vous besoin de cela ?« Wann brauchen Sie es ?» C'est ça, « wann brauchen Sie es ?» Et maintenant, « quand voulez-vous la voir ?» Wann brauchen Sie? Quand voulez-vous la voir? Wann wollen Sie? La voir? Es brauchen? Mm-mm. Es brauchen. Vous voyez là, vous vous êtes laissé emporter par ce qui sonnait bien à votre oreille. Wann wollen Sie es brauchen? Ça voudrait dire quand voulez-vous en avoir besoin? Voyons. Je voudrais que vous procédiez étape par étape, sans vous précipiter. Commençons avec « Quand voulez-vous ?» Wann? Wann wollen Sie? Wann wollen Sie? Oui, l'avoir. Comment dit-on avoir? Haben. Donc, l'avoir. Es haben. Bien, c'est très simple si vous réfléchissez étape par étape, mais si vous essayez de brûler les étapes, vous vous laissez emporter par les sonorités. La communication, c'est un processus mental. Ce ne sont pas seulement des phrases qui sonnent bien. Donc, quand voulez-vous l'avoir? Wann wollen Sie es haben? Bien. Je peux vous l'apporter aujourd'hui, se dit... Ich kann es Ihnen heute bringen. Encore une fois, ich kann es, vous ici effectivement, vous signifie à vous, apporter à vous. Donc c'est... Ihnen. Ihnen. Il faut allonger le i parce qu'il est suivi d'un h, donc c'est une voyelle longue. I. Ihnen. À vous? Ihnen. Ihnen. Voilà. Là, c'est correct. Donc, je peux vous l'apporter aujourd'hui? Ich kann es Ihnen heute bringen. C'est ça. Ich kann es Ihnen heute bringen. Encore une fois? Ich kann es Ihnen heute bringen. Ich kann es Ihnen heute bringen.